ngai oyo pe mama na bandeko na ngai ezalaki nango ebele kasi ekokaki te po esengaki moto akufa na ekulusu mobali na nga apesaki ngai oyo pe mwasi na bana na ngai ezalaki nango ebele kasi ekokaki te po esengaki moto akufa na ekulusu na esobe moto akolinga yo lobi ya koboya yo moto akolinga yo lobi ye wana akomi kofinga yo pesa na yo kolo na ngai na moni te ata loyembo ya sika mpona yemba na moni neti nyonso bayemba kolo na ngai When Jesus says yes nobody can say no When Jesus says yes nobody can say no Oh, when Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus m'a béni, qui peut me maudire? Quand Jésus a ouvert, qui peut refermer? Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a décidé, qui peut le contredire? Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a signé, qui peut abroger? Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a commencé, qui peut arrêter? Quand